Chapitre 14. Mon copain Pardo. Hier soir, sous l'oreiller, je racontais à Gilda ma journée par le menu. Elle m'a écouté religieusement et en a tiré quelques conclusions personnelles qui valent leur pesant de bon sens. Primo, que la journée portait à 5 le nombre des morts, tous refroidis pour qu'ils ne parlent pas. Le marché en question doit être extrêmement juteux et dénote des méthodes radicales et efficaces. « Fais attention à toi, mon Gino, » qu'elle me murmure. Deuxio, que j'avais flairé à juste titre une affaire pas propre et conséquente. Il était normal que l'enquête me revienne et que je sois réintégré. Au passage, elle remarque que mes collègues m'aiment bien car ils auraient pu tirer la couverture à eux. Tertio, et c'est ce qui l'affole le plus, que Costanza fait partie de la bande et qu'il est toujours libre. Comment vais-je m'y prendre pour la faire des photos? J'y réfléchissais justement quand le soleil m'a emporté sous mon grand manteau noir. 9h. Pardo fait irruption dans mon bureau. Il n'y a qu'une boule au but qui est aussi chauve, mais certainement moins myope que lui. Il dit lui-même que c'est avec les yeux de l'intelligence qu'il voit. Et ben heureusement. Ceci mis à part, c'est un type charmant, sympa, doux avec les copains, dur avec les truands. Il a une réputation de mec intraitable à l'égard des trafiquants, n'hésitant pas à les descendre de façon à leur éviter, les chanceux, un procès. De toute façon, comme il tire dans le tas, il vaut mieux ranger des voitures quand il défouraille. Alors le rital, comme ça tu marches sur mes plates-bandes, fais gaffe, je t'ai à l'œil, et tu sais que je tire à vue, gioco di parole, comme on dit dans ta langue. Et le Pardo de se marrer comme une baleine. J'adore les gens qui savent se moquer d'eux-mêmes. S'il est de bonne humeur, c'est qu'il doit avoir de bonnes nouvelles. Raconte, Pardo. Bon. Alors les deux gars que tu as pris en photo, ça fait des mois que nous sommes après. Le nono s'appelle Norbert Carbona. On a essayé de les piquer en flag, mais nous n'y sommes jamais parvenus. C'est vraiment dommage que ton coup de la villa ait merdé, mais enfin, je suis sûr qu'on aurait ramassé le menu fretin. Et après, pour les faire parler, c'est notre paire de manches. Sans compter que suivant le juge auquel on aurait eu affaire, il aurait fallu qu'on leur fasse des excuses si ça se trouve. Zito m'a dit que tu as pigé où était livrée la cam. Il faut que tu m'affranchisses, et si c'est bon, tu pourras te vanter d'avoir cassé la baraque pour ton retour en grâce. Je lui explique comment j'en suis arrivé à localiser l'endroit possible des livraisons. Je sais où c'est, lui dis-je, mais pour l'instant, je ne connais pas exactement le modus operandi des trafiquants. Ça doit se passer sous l'eau, mais comment? Voilà, Loïc. Je ne suis pas suffisamment versé dans les combines des stupes. Est-ce que tu as pu estimer la fréquence de ces livraisons? C'est pour avoir une idée approximative des quantités, tu comprends? Difficile à dire. Le Valanglier sortait presque tous les jours, mais c'est surtout quand le bateau de Sanchis quittait le port. Tu es au courant de l'assassinat de ses copains plongeurs? Ouais, j'ai su. Mais à ce moment-là, cette affaire n'était pas en rapport avec les nôtres. Bah, tu vois, je crois que le Valanglier sortait pour surveiller quelque chose, pour le protéger des plongeurs de Sanchis et pas forcément pour ramasser une cargaison. Les copains de Sanchis ont dû découvrir le poteau rose. C'est pour ça qu'on les a tués. Je sens que nous ne sommes pas loin de la solution de l'affaire, mais ce qui m'intéresse, c'est surtout de savoir ces fils de pute derrière les barreaux. Ils font tellement de dégâts dans les cités. Mais pour ça, il faudra leur mettre la main dessus. Après avoir été respiré un coup à la fenêtre, Pardo revient à la charge. Je veux avoir le rapport de l'équipe que j'ai envoyée dans la cave de la villa. Il y a gros à parier que les bouts de verre proviennent d'une éprouvette. Quant à la poudre, ça peut être de la coke ou peut-être de l'aspirine, du talc, ou autre chose. De l'aspirine, du talc, je fais étonné. Bah oui, la villa devait servir de labo pour couper la coke et la conditionner sous forme de barrettes ou de sachets. Enfin, des doses quelconques, tu comprends. Il faut dire qu'en la matière, je suis un béotien. Jusqu'ici, j'ai fait dans les braquages, les trafics du bagnole et la carambouille sur le port. La cam, ce n'était pas mon rayon. D'accord, mais l'aspirine? Ils vendent de l'aspirine à la place de la coque, quel fumier, ça fait chier la migraine. Non, rigole Pardo. Pour se faire plus de blé, il l'allonge, comme l'eau avec le pastis. De toute façon, la coque trop pure est un poison violent. Ils sont donc obligés de la mélanger avec d'autres produits qui en principe sont sans danger, mais ça n'est pas toujours le cas. Ils peuvent y foutre de l'aspirine, du talc, n'importe quelle substance blanche. Quand on sniffe, ça peut avoir des conséquences moins graves que si on s'injecte ce poison dans les veines. Les bouts de plastique que tu as trouvés doivent être les emballages dans lesquels est livrée la drogue. Bon, Pour l'instant, j'ai tout compris, mais il y a quelque chose qui me chiffonne. Dis-moi, Pardo, quand ils mettent n'importe quoi dedans, ça ne leur arrive jamais d'avoir des problèmes avec les clients? Ouais, mais ce sont les dealers qui prennent en premier. Encore faut-il avoir la preuve que la dope était mauvaise. Or, la plupart des camés sont des solitaires qui crèvent dans leur coin. Qui veux-tu qui porte plainte pour eux? Quelquefois, ce sont aussi les préparateurs qui se font refroidir parce qu'ils ont étouffé une partie de la cam à leur profit. C'est un métier à risque, Gino. Je réfléchis à toute la chaîne de fabrication de ce produit toxique. Tout ce travail, depuis les humbles paysans qui font ça pour ne pas crever de faim, jusqu'au gros bonnet qui transforme la mort des autres en bel or au soleil, en passant par la racaille qui deal pour gagner en une heure de quoi faire pâlir de rage un smicard. Tout ça pour la recherche d'un bonheur facile, amnésique et éphémère, mais cher. Seul l'homme est capable de se nuire à ce point lui-même. « Tu as déjà essayé ?» me fait Pardo avec un sourire. « T'es complètement mature ?»« Comme je me connais, je deviendrai accro en moins de deux. » »« Mais mon rêve, je n'essaierai pas. »« Et toi, tu y as goûté ?»« Une fois, oui, pour voir. Je me suis fait une ligne. Ce n'était pas désagréable. »« Mais comme la nature ne m'a déjà pas arrangé, il ne faudrait pas que je m'ajoute une tare de plus. » Et puis, tu sais combien je suis raspingue. Il faudrait que j'allonge les bifetons et je vais tout de même pas puiser dans les saisies. Alors que nous continuons notre conversation existentielle, un planton nous apporte un dossier. Tout frais, fait-il. Effectivement, ce sont les rapports du légiste et de la scientifique sur les meurtres des deux Grecs. Pour aller plus vite, nous nous partageons les feuillets. Pardo et moi. J'ai toute confiance en sa lecture. Sa vue de près étant excellente, son intelligence tirera les bonnes conclusions. C'est lui qui ouvre le feu. Les deux pêcheurs de la couronne n'ont pas été tués à bout portant, mais à une distance d'environ 2 mètres avec du calibre 11.43. Sur les chevilles de chacun des morts, la scientifique a relevé des empreintes qui proviennent d'autres mains que celles des morts eux-mêmes. Et il cherche la suite dans les feuillets. Ouais, les empreintes sont celles de Zaugia et de Carbona. C'est pas beau, ça? Nous les tenons, les deux assassins. Enfin, quand je dis nous tenons, c'est une façon de parler. J'annonce à mon tour. L'analyse de sang des deux mecs révèle une bonne dose de coke. Reste à savoir si les deux tueurs les ont drogués pour les descendre plus facilement ou si le pêcheur était des toxicos. En tout cas, pas de traces de poudre sur leurs mains. Et qu'est-ce que ça peut foutre, s'étonne Pardo. Hé, hey, couillosti! Un juge nous aurait dit qu'ils s'étaient mutuellement homicidés. Tandis que là, les coups de feu ont forcément été tirés par d'autres que les victimes elles-mêmes. T'es futé, toi. Mais non, c'est l'expérience, lui dis-je en le toisant. Puis j'éclate de rire. Quelquefois, il nous faut nous défouler comme des gamins. Ça détend les nerfs et ça resserre nos liens de camaraderie. Gargant des boules dans le bureau, mâchonnant pour terminer certainement reste de sandwich. Patron, la douane a téléphoné. Vous avez rendez-vous à 2 heures pétantes sur le port de Caro pour inspecter le coin que vous avez repéré. Il y aura 2 plongeurs à disposition, en cas de besoin. Excellent. Évidemment, tu viens, Pardo. Ah, crotte, j'ai laissé mes papiers à la maison. L'Antoine, fais-moi penser à les prendre en passant. Ok, fait Gargan, tout content que je l'appelais par son nom et par la perspective de voir Gilda. Vers 11 heures, alors que nous essayons vainement d'avoir des infos sur les truands recherchés, une nouvelle nous parvient des affaires maritimes. Dans le port de Fos-sur-Mer, un palangris a pris feu. Sans pour l'instant qu'on en connaisse la cause. Le nom et l'immatriculation du palangrier ont brûlé. De plus, la photo de la belle caille que j'ai fait diffuser correspond parfaitement à ce qui reste du bateau. L'incendie ayant été assez rapidement maîtrisé, pour éviter toute propagation à d'autres bateaux, il ne sera peut-être pas possible de relever des empreintes. Toutefois, d'après les affaires maritimes, un examen du bateau sera certainement fructueux. C'est ce qu'ils ont dit, mais n'ont pas donné les raisons de cet examen. En présence de Pardo, je refais un point avec l'Antoine et ce banc sur les directives que j'ai données la veille. Tout colle, mais j'ai encore une fois le sentiment que j'ai oublié une précaution. Comme hier, je n'arrive toujours pas à trouver ce que c'est. Tant pis, ça me reviendra sans chercher. Sur le coup de midi, Serge vient nous faire un petit coucou pour savoir où nous en sommes. Je le mets au parfum des mesures prises et des découvertes que nous avons faites. Ah, Gino, j'ai quelque chose à te montrer qui va te faire plaisir. On bouffe ensemble ? Fait-il en consultant également Pardo d'un regard qui décline l'invitation. « Allez, c'est parti, nous deux !» Arrivé au pied du bâtiment, je remarque un joli cabriolet Alpha, identique à celui que j'ai cramé, la couleur mise à part. Celui-ci est d'un beau verre anglais avec l'intérieur en cuir crème. Alors me fait Serge avec un sourire, le regard dirigé vers la bagnole. Je le dévisage, incrédule. « Ça y est, tu te l'es payé ce cabriolet ? Facile ! Il est beau, il n'y a pas à dire. »« Et qu'est-ce qu'a dit Sylvia ?»« Rien. Pourquoi veux-tu qu'elle dise quoi que ce soit ? Elle est ravie. »« Bon, bien sûr, on ne pourra pas aller bien loin avec Ludo derrière. » Mais on va se payer des petites balades dans le Luberon ou au bord de la mer. Ça fait un mois que je l'aimais. Je n'osais pas encore sortir avec, surtout pour venir ici. Je craignais les jalousies. Elle ne te rappelle rien, cette bagnole ? Oui, c'est la même que celle que j'ai... Enfin, qu'avait le gars qui a cramé à carreau. Oh, pauvre, d'un peu je lui lâchais le morceau. Mais je me demande jusqu'à quel point Michaud ne subodore pas la vérité. Par le passé, il m'a plusieurs fois étonné par sa clairvoyance. Et puis je commence à trouver intolérable le fait de lui mentir, lui, un ami à qui je confierais tout ce que j'ai de plus cher, lui que je considère comme le frère que je n'ai pas eu. Allez, tant pis, je lui confesse tout. Si c'est un ami, il saura comprendre et pardonner. Tant pis, si mon image de marque fait une chute vertigineuse. Serge, tu sais, à propos de cette voiture, je crois que j'ai compris, te fatigue pas, Gino. Je me demandais quand tu allais te déballonner. Tu te souviens, c'est comme pour le meurtre de Guelmar. À cette époque, j'attendais aussi que tu finisses par me dire la vérité. Ben, mets-toi à ma place, c'est pas évident. Attends, Gary, comme tu dis, la première fois, tu t'es tombé malgré toi dans un sac d'embrouille. Mais là, excuse-moi, tu l'as quand même un peu cherché. C'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce qu'au moins ce sacrifice en valait la peine ? Ne me mens pas, cette fois. Je l'aime. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre ? Et elle, elle t'aime ? « Vraiment ?»« Oui, enfin, je crois. »« Est-ce qu'on n'est jamais sûr des sentiments de quelqu'un ?»« J'ai l'impression qu'elle s'est raccrochée à moi comme à une bouée. »« En tout cas, elle te doit beaucoup, c'est le moins qu'on puisse dire. » Tout en lui parlant, une idée un peu branque me trotte dans la tête. « Ça, c'est tout, moi. » »« Je pense toujours à deux choses à la fois. »« Ça me permet d'aller plus vite, mais quelquefois aussi, je fais les deux choses à moitié. »« Serge, est-ce que tu peux me rendre un service avec ta belle bagnole ?»« Encore ?» fait-il en rigolant. « Tu ne manques pas d'air, toi. Est-ce que tu voudrais venir dîner à Carreau un soir de la semaine avec Sylvia ? Elle pourra faire la connaissance de Gilda et moi je te demanderai seulement 10 minutes de ton temps. Mais il faudra que tu viennes avec ton cabriolet. » « Oh, je sens l'angaz, comme tu dis. Non, Serge, on dit l'angaz, pas l'angaz. » Après être passé chez Gilda pour récupérer ma carte et la mettre au courant de l'invitation que j'avais lancée, je rejoins mes collègues sur le quai pour attendre la vedette des gardes-côtes. J'aperçois sa proue qui fonce vers nous à belle allure, venant de Marseille. Pour ne pas entrer dans le port un peu exigu, elle met en panne en face de la passe et un Zodiac nous conduit à son bord. Mon collègue Pardo, qui ne semble pas avoir le pied marin, a fermé son clapet et son teint vire au vert. Une fois à bord, accueilli cordialement par l'officier, je fais rapidement le tour du bateau d'un regard circulaire. Malgré les odeurs habituelles de graisse, de mazout et de peinture, le bâtiment est dans un état de propreté exemplaire. Marine oblige. J'explique l'affaire de vive voix et déplie ma carte d'état-major sous le regard amusé et un tantinet moqueur de l'officier qui me voit utiliser un outil de touriste. Il repère facilement l'azimut du lieu sur sa propre carte et en 2-3 minutes seulement, nous sommes sur la zone fixée. Nous allons mettre en marche le sonar pour voir ce qu'il nous donne. Impatient, je scrute l'image sur l'écran de contrôle de l'appareil. La vedette se déplace très légèrement et au bout d'un court instant, je constate une image bizarre sur l'écran, image que je ne peux interpréter, étant novice en la matière. L'officier me dit « Effectivement, il y a quelque chose là-dessous. On dirait une balise, ou un corps mort. Vous voyez cet écho, là ?» me dit-il en montrant un gribouillé du doigt. « Nous allons envoyer notre plongeur pour y voir de plus près. » L'officier donne ses dernières consignes au plongeur qui se laisse tomber dans la baille en arrière et nous attendons. J'en profite pour jouir du panorama de la baie et des îles de Marseille, éclairé par un temps superbe. Au bout d'un moment, le plongeur refait surface. Il brandit un ballot de plastique qui a la forme d'un cube d'une 40aine de centimètres d'arête. « Eh bien voilà !» fait l'officier. « Ça m'a l'air d'être ce que vous cherchez, je crois, non ?» Pardo, tout à coup, n'a plus du tout le mal de mer. On dirait un chien de chasse qui vient de lever un lièvre, sauf qu'heureusement pour nous, il ne remue pas la queue. Une fois à bord, le plongeur fait son rapport pendant que nous examinons de près le paquet. il est recouvert d'un emballage rigoureusement étanche et solide. Il y a un corps mort au fond. Il relie un flotteur qui reste à 1,50 m de la surface de l'eau. Après ce flotteur, il y a une balise radio comme les balises de détresse. Mais cette balise n'émet pas sur la longueur d'onde des signaux de détresse, précise l'officier, sinon nous l'aurions déjà détecté. Le plongeur continue son rapport. À 6 mètres de profondeur, à peu près, le paquet était accroché à un anneau fixé au câble du corps mort. « Je pense que vous avez compris, » fait l'officier. « Bien sûr qu'on a compris. Des gars intelligents, il n'y en a pas que dans la marine et dans la douane. Un bateau venant de quelque part devait effectuer nuitamment ses livraisons, se repérant au signal radio pour trouver le câble du corps mort. La manip était certainement assez rapide et le bateau devait ensuite continuer sa route à vide ou livrer d'autres points. Au matin, sous couvert d'activités halieutiques, la belle caille devait venir récupérer le chargement. La suite, nous la connaissons, les précieux sachets étant confiés à des Souza pour être acheminés vers le labo de coupage. Je précise rapidement le topo à l'attention de l'officier qui abonde dans mon sens. Je pense, dit-il, que le bateau qui livre à la cam doit avoir aussi un radar assez puissant pour prévenir toute arrivée inopportune. Quant à celui qui récupérait la cam, il est sûrement muni d'un matériel de détection radio pour pouvoir trouver à coup sûr la balise, même la nuit. Moi-même, je pense, tu l'as dit, Bouffi. C'est peut-être ce genre de matériel qu'ont retrouvé les gars des affaires maritimes de Foss, d'où l'intérêt d'examiner le palangrier. Tout à coup, en fixant l'écran du sonar, il me vient une idée que je soumets immédiatement à l'officier sans réfléchir. Dites-moi, est-ce que je peux vous demander un service ? Devant l'acquiescement du gradé, avec mon air le plus innocent et le plus sympathique du monde, je leur raconte qu'un de mes amis très chers, à la suite d'un naufrage, a perdu sur ce site une balise en inox contenant des documents de famille importants. Jusqu'ici, il n'a pu la retrouver. Peut-être qu'avec le sonar perfectionné de la vedette, on pourrait localiser rapidement la balise. Je lui indique par ailleurs que l'endroit précis devrait être un peu plus près de la côte. Nous allons essayer de faire un passage en affinant la lecture, mais je ne peux pas vous consacrer toute l'après-midi. Il donne un ordre pour diriger la vedette à très faible allure vers la côte et se met à scruter l'écran. Presque immédiatement, il fait stopper les machines. Là, il y a quelque chose. La forme est trop régulière pour être un caillou, ou alors ce sera vraiment extraordinaire. Le plongeur est appelé. L'officier lui montre l'écran et lui demande de descendre par une 20aine de mètres de fond. L'attente est cette fois un peu plus longue que tout à l'heure. Mais au bout d'un moment, j'ai l'insigne joie de voir remonter le plongeur tel Neptune triomphant sortant des eaux. Il nous montre un paquet couvert d'algues, mais dont un des coins brille faiblement. Nul doute, c'est bien la valise, je jubile, au grand étonnement de l'officier. « Ah, qu'est-ce qu'il va être content, mon ami. Vous ne pouvez pas vous imaginer. »« Vous me garantissez que cet objet n'a rien à voir avec l'affaire en cours ?» demande l'officier d'un ton soupçonneux. « Mais non, absolument pas, » dis-je en saisissant la valise dégoulinante. « Il ne s'agirait pas qu'il se mette en tête de vouloir l'ouvrir et d'examiner son contenu. Je dois couper court à cette possibilité. »« Il se débrouillera pour l'ouvrir. C'est déjà beau qu'on l'ait retrouvé. » Et hop, changeons de sujet. Nous nous congratons mutuellement d'une si fructueuse coopération. Pardo et moi promettons de tenir l'officier informé des prochains développements de l'affaire. Le Zodiac vient nous rechercher et une fois à quai, je file au téléphone pour prendre rendez-vous avec les gars de Foss-sur-Mer, Pardo sur les talons. Nous terminons l'après-midi au bar de Gilda, c'est-à-dire comme chez moi. Pardo change de couleur chaque fois que Gilda évolue dans les parages. Après le mal de mer, il a le mal d'amour. Je n'aurais pas cru qu'un type si sûr de lui, par ailleurs, soit aussi fleur bleue. Au bout d'un moment, il s'ébroue comme un jeune chien, probablement pour chasser les idées qui l'empêchent de penser, et je sais lesquelles. Il se cale dans sa chaise et me fait « Bon, maintenant l'affaire est claire. Nous connaissons quelques types de la bande, le modus operandi des livraisons, et nous avons en plus une belle saisie qui va nous valoir des félicitations. Seulement, à part la petite frappe à la queue de cheval et le vieux portugais, toute la bande est disséminée dans la nature et nous nargue. Les gars du labo vont peut-être avoir une idée de la provenance de la coque, en fonction de la qualité, mais ce n'est pas ce qui va nous permettre d'arrêter l'ensemble du réseau. C'est vrai ce que tu dis l'ancien, mais moi, tu vois, je suis moins ambitieux que toi, et puis les affaires de stup, c'est ton rayon. Moi, ce que je veux, c'est mettre la main sur les assassins des copains de Sanchez et de Rinaldi. De plus, un petit compte perso que j'ai à régler. Le reste, je te le laisse. J'irai tout de même avec toi demain à Fos, au cas où il y aurait quelque chose d'intéressant pour moi. Ah, si on avait eu un des deux pêcheurs, au moins. Tu parles, Charles. C'est pas pour rien qu'ils les ont dégroupés. Et cette valise, c'est quoi ? Je suis obligé de lui narrer sommairement l'histoire de Sanchez, retour d'Algérie, en précisant que la valise contient des bijoux de famille, titres de propriété et autres paperasses. Mais ça doit être tout mouillé, tout pourri là-dedans. Non, je ne pense pas. Je crois qu'ils avaient justement pris leurs précautions, au cas où. Bon, je veux bien rendre service, mais il ne va pas me les gonfler, celui-là aussi. Bon Dieu de valise. Pour m'éviter de retourner à Marseille, je téléphone au bureau pour avoir les dernières nouvelles, des fois que ma présence soit requise. Rien de nouveau, et Zito me passe Michaud qui venait justement me voir. Je viens demain soir avec Sylvia, ça te va ? Me fait Michaud. Impec. Je vais prévenir tout de suite l'amour de ma vie. N'oublie pas le cabriolet. Ah, si tu vois Sanchez, dis-lui que j'ai une surprise monumentale pour lui. Qu'il m'appelle. Après une journée somme toute assez fertile en événements, je savoure le calme du port et le coucher de soleil. Ce serait peut-être pas mal si j'étais pêcheur. Tous les soirs, je pourrais être tranquillou comme ça sous ma terrasse, à regarder le ciel et attendre le repas qui sent bon dans la cuisine. Non, ou alors postier. On risque pas de se noyer et on a fini de bonne heure. Qu'est-ce que j'étais foutre dans la police, je te le demande. J'en suis là de mes réflexions oiseuses et stériles quand un furieux fait irruption devant la terrasse en faisant crisser ses quatre pneus. Un homme descend de la voiture sans même arrêter le moteur. C'est ce jobard de Dessouza, les yeux hors de la tête. Il entre à fond la caisse dans le bar tout en gesticulant. « Ils veulent me tuer, commissaire. Ils m'ont tiré des sous. Protégez-moi, sinon je vais mourir. » Je descends avec précaution de la terrasse pour déplacer la deuche restée au milieu. Je n'arrive pas à comprendre comment, avec un tel antique engin, on puisse s'échapper des griffes de tueurs confirmés. Il ne serait pas en train de m'enfumer, le Porthos. Dans la cuisine, je décroche les clés du garage d'Étienne, que Marcel a laissé, et vais planquer la camionnette dedans. Au retour, j'ai un triste tableau sous les yeux. De Souza est affalé sur une chaise et continue à parpelléger comme un gaga. Après lui avoir servi une fine, je m'assois en face de lui. « Allez, raconte !» Il se passe plusieurs fois les mains sur la figure et après avoir bu cul sec, il m'explique son émoi. « Il était près de chez moi, dans le champ derrière à ramasser de la salade. Une bagnole est arrivée, j'entends des coups des feux. Tu sais, moi, il y a fait la guerre, a rayé mes souhaits aplatis par terre et y a attendu. Ils ont dû croire qu'il était mort. Il est su rester comme ça au moins une heure. Après, il a pris la bagnole comme un fou et il est su venu chez toi. » Le récit est crédible, mais je m'étonne qu'un des tueurs ne soit pas venu achever le porto d'une balle dans le carafon. Il y a du monde à côté de chez toi ? Oui, heureusement. Les hiens s'est mis à aboyer et les voisins ont dû sortir pour voir. Sinon, ils m'auraient achevé, ces fans de pute. Eh ben voilà, j'ai la réponse à ma question. Aussitôt, une idée germe dans ma tête. Elle est diabolique, mais quand je veux parvenir à mes fins, je suis machiavélique. Et si j'utilisais de Souza comme appât ? Une neige, comme on dit ici. Bon, bien sûr, il ne s'agit pas de l'envoyer au casse-pipe, le porc, mais il faudra que j'y réfléchisse. Je pressens que d'une façon ou d'une autre, il faudra tirer les macros pour avoir une chance de les attraper. Bien sûr, je pourrais utiliser Sauveur de la même façon, mais il a tellement la trouille qu'il est capable de se suicider pour en finir plus vite. En attendant, si je veux l'utiliser, il faut que je le garde en bonne santé. Je passe un coup de fil à mon parrain Séraphin. Tonton, j'ai besoin que tu me rendes encore un service. C'est un peu délicat. Et je lui explique aussi sec qu'il faut qu'il héberge en loose dé un monsieur d'un certain âge, mais qu'il se fera extrêmement discret puisqu'il y va de sa vie. Je peux le planquer, Gino. Mais je peux pas surveiller ni monter la garde. J'ai autre chose à faire. T'inquiète, tonton. Il se gardera bien tout seul. Alors d'accord. Attends, c'est pas fini. Il faudrait que tu viennes le chercher avec l'estafette. On le planquera à l'arrière. Oh, patch de con. Qu'est-ce que tu m'aurais pas fait faire, toi ? Voilà une affaire provisoirement réglée. Gilda fait son apparition et des visages de Souza intrigués. Quesaco, me fait-elle en montrant l'homme d'un signe de tête. Rien, ne t'inquiète pas, je t'expliquerai. Ah, j'ai oublié de te dire, me dit-elle. Le garage a téléphoné. Ta Mimi a réparé un ouvrier de nous la porter dans la matinée. Te demander combien je devais ? À sa réponse, je manque défaillir. Punaise ! Heureusement que j'ai recommencé à bosser, et j'espère que l'assurance m'en remboursera assez vite. Vers 20 h, le téléphone retentit encore. C'est Sanchez qui prononce tellement de putain, qui parle tellement fort, tellement vite, qu'il manque s'en étouffer. Il ne sait plus quoi dire pour me remercier, je sens un tremblement d'émotion dans sa voix. Gino, tu peux me demander ce que tu veux, tu m'entends ce que tu veux. Et tu sais, c'est pas seulement pour la somme que ça représentait que je te suis reconnaissant. C'est d'avoir pensé à moi, d'avoir sauté sur l'occasion. Ça, c'est de l'amitié, de la vraie amitié. Ma femme m'a dit que tous les soirs, elle prierait pour toi. Oh putain. C'est gentil, Jean-Claude. Mais je ne sais pas si le bon Dieu aura le temps de s'occuper de moi, même par l'entremise de ta femme.